Le journal sud-coréen Une Nation en date du 20 mai annonce qu'a été mise en public la minute de procès sur les crimes de Chun Doo-hwan, auteur du génocide de Gwangju du 18 mai. La minute de procès sur Chun Doo-hwan et Roh Tae-woo précise que lors du soulèvement de Gwangju, Chun Doo-hwan, commandant de sécurité et chef par intérim de l'agence centrale de renseignement d'alors, a transmis le 21 mai 1980 des fonds d'encouragement au chef d'une troupe parachutiste.